des amis qui se tenait le vendredi, quand le couvert était mis, nous parlions de Chopin, de son curieux destin et des autres salons voisins. À l'ennui trop malsain, le jeune pianiste jouait tout ce qu'il voulait, sauf l'envolée des Valkyries qui faisaient trop de bruit. Du monde et un peintre parfois connu qui faisait rire son monde. On aimait les cartes des jeux entre nous, bien entendu, et on ne trichait plus. Chacun se croyait heureux, et le jeune pianiste jouait tout ce qu'il voulait, sauf le prélude à Tristan. Trop de gens, il y avait toujours quelque chose à fêter tout le long de l'année. Les occasions étaient bonnes, l'alcool était meilleur, la maison était chaude, nous partions pour ailleurs. Dans le matin souillé, et le jeune pianiste dormait la tête sur son clavier, surpris par le sommeil.